Tu as fixé tes standards stricts pour l'homme. Si ta fidélité est sous condition, il ne veut pas d'une telle fidélité. Dieu a horreur des gens qui le trompent avec intention, l'extorquent par leur demande. Dieu désire que l'homme soit loyal, qu'il lui soit fidèle à lui seul, qu'il fasse tout. Dieu méprise tous les mots flatteurs que vous employez pour le réjouir, puisqu'il use toujours envers vous de sa sincérité. Il souhaite que vous exprimez envers lui une foi vraie. La foi.